Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le TGV, le train réinventé. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. C'est le 3 avril 2007 que le TGV français fracasse un nouveau record en atteignant la vitesse vertigineuse, vous venez de l'entendre, de 574,8 km/h. La vitesse et la recherche de toujours plus de vitesse sont au cœur de l'ADN et de l'histoire même du TGV, le train à grande vitesse. L'histoire du TGV commence au Japon, avant de s'étendre à la France, puis à toute l'Europe. En France, le TGV se posera d'abord en alternative au transport aérien, avant de devenir un véritable symbole de fierté nationale. Le TGV va transformer le développement du territoire en France, en plus de changer très concrètement la vie des Français. Les Français ont commencé cette année la construction de la ligne de ce qu'ils appellent le TGV, le train à grande vitesse. Vous aurez une voie presque droite entre Paris et Lyon, vous allez avoir de nouvelles motrices, vous allez avoir des rames spéciales, la vitesse, eh bien, dans un premier temps, elle pourra atteindre 260 km/h, et par la suite, elle sera portée à 300 km/h. D'ores et déjà, on prévoit en 1982 Paris-Lyon en 1h58. Et ce n'est pas un cas isolé. L'Union internationale des chemins de fer envisage, avant l'an 2000, 5000 km de voies nouvelles à très grande vitesse. Et on peut dire que d'une certaine manière, cela condamne l'avion sur les parcours de l'ordre de 300, 400 ou 500 km. Ne le déplorons pas, ne le déplorons pas. Parce que, eh bien, je vous parle d'un TGV, c'est merveilleux, vous aurez probablement une rame toutes les demi-heures, autrement dit, eh bien, vous irez de Paris à Lyon, comme aujourd'hui, vous prenez le métro. Et surtout, vous allez pouvoir libérer les aérodromes. Le très enthousiaste scientifique Albert Ducrot à l'émission Entretien le 15 novembre 1977 pour nous raconter l'histoire du TGV. Mon invité, l'historien Éric Dussault. Éric Dussault, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est formidable cet extrait parce que ça nous plonge dans l'état d'esprit de l'époque. On est en 1977. Le TGV, l'arrivée du TGV, c'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. Qu'est-ce que ça représente à l'époque, au moment où on est en 77, où on est en train de construire la première ligne de TGV en France? Ben, qu'est-ce que ça représente? Premièrement, ça permet de pouvoir enfin concurrencer le Japon parce que c'est lui qui l'a d'abord lancé. Donc là, la France rentre dans la modernité. C'est le mot-clé. C'est vraiment ça. Ouais. Alors, c'est important. Oubliez pas le Concorde en 1976 aussi qui commence à voler. Donc, on est dans cette idée que la vitesse, c'est l'avenir, qu'il faut que les gens se déplacent plus rapidement que précédemment. Et ça devient carrément une idéologie. Moi, je parle d'idéologie de la vitesse. Alors, pour la France, ce sera une façon de rentrer dans la modernité. Ce sera une façon de montrer au monde entier le génie français au niveau industriel. Évidemment, c'est une collaboration entre le privé et le public parce que c'est Alstom, la compagnie privée qui est à Belfort, qui développe le TGV. Je veux dire le TGV en tant que tel, le mode de transport. Et c'est la SNCF, grâce à l'expertise depuis 100 ans, plus de 100 ans maintenant, parce que rappelez-vous, au début du 19e siècle, on utilise déjà le vieux chemin de fer qu'on connaît. Et puis, au départ, on a peur de la vitesse. Et puis, finalement, on n'en a pas assez. Donc, on va toujours exiger plus de vitesse. Et la France va développer une expertise à travers le temps dans cette recherche de vitesse. Donc, Alstom, qui construit le train comme tel, le bolide et la SNCF, la Société nationale des chemins de fer, qui va Société publique. Contribuer à... Ça va coûter très cher, mais au développement et à l'achat à Alstom de ces TGV qui sillonneront la France en quelques années plus tard, 77, donc c'est le début de la construction, en 81, le lancement de cette première ligne de TGV entre Paris et Lyon, ça on pourra y revenir. Mm-hmm. Juste une petite question technique, Éric, quand on parle vraiment techniquement d'un train grande vitesse, vous le disiez, le Japon, c'est là où ça s'est passé en premier, mais ça correspond à quoi? Quels sont les critères qui nous permettent de parler d'un train grande vitesse? Si on revient au cas du Japon, le TGV a été construit là-bas entre 1959 et 1964. Dans ce cas-là, on parle d'un train qui roulait à 200 km/h. Ouais. Par contre, aujourd'hui, on s'entend plutôt pour un train de 250 km/h et plus. Ouais. Ça, c'est la définition aujourd'hui traditionnelle. 250 km/h, mais c'est ça, le c'est début minimum. Du TGV. Ouais. Parce que vous avez parlé du record tout à l'heure. Il faut dire que ça s'est fait sur une période de 10 minutes. Hein. Donc, ce n'est pas une vitesse qui est accessible concrètement aujourd'hui pour le transport des passagers. C'est une vitesse de pointe. C'est une vitesse de pointe. On rêve à 360 km/h. Actuellement, on est dans le 300-310 km/h en moyenne à peu près. Ce qui est déjà pas mal rapide. Oui, si on met des ailes à ces véhicules-là, on volerait probablement. Là, presque. Donc, revenons au Japon, parce que c'est intéressant. C'est en 64 que le premier TGV est mis en service au Japon. 7h45, gare de Ueno, gare de Shinkansen, les TGV japonais. Ce sont les fameux trains à obus. Le 1er octobre 1964... ils révolutionnèrent le monde ferroviaire. On inaugurait à 210 à l'heure un service régulier sur la ligne Tokyo-Osaka. À l'époque, on ne croyait pas cela possible. Le TGV est né de ce défi. De l'aube au crépuscule, un Shinkansen quittera Tokyo toutes les 4 minutes, toutes les minutes et demie aux heures d'affluence. Deux classes seulement. Pas de compartiment. Le prix, de 15 à 20% plus cher que le TGV. Contrairement à ce dernier, on peut pratiquement avoir accès au train sans avoir loué sa place. Souvent, de nombreux passagers voyagent debout. Le train taille souvent dans une ville continue, au milieu des maisons, et le bruit est sévèrement contrôlé. 83 décibels à 25 mètres ne permet pas de dépasser 260 km/h. C'est une limitation catastrophique pour l'avenir. Il eût fallu concevoir des tracés différents. Hélas, le mal est fait. Extrait d'un reportage de Bertrand Dabrigeon et de François Gall, diffusé à Antenne 2 en France en 1989. Donc, 64 mises en service de cette première ligne de TGV au monde, au Japon. Ils commencent, les Japonais le développent en 59. Pourquoi ils décident tout à coup, Éric Dussault, de se lancer dans cette aventure du TGV, les Japonais? Bien, premièrement, ce qui est fondamental, puis à la fin de l'émission, on en parlera peut-être avec le cas du Canada et de l'Amérique du Nord, mais ça prend de la population pour pouvoir utiliser, rentabiliser une infrastructure comme celle-là. Dans le cas du Japon, on inaugure, comme par hasard, le Shinkansen 10 jours avant les Jeux olympiques de Tokyo. Alors, c'est clair que les Jeux olympiques sont entrés en ligne de compte dans cette décision-là. Et c'est aussi parce que Tokyo-Osaka est une ligne idéale pour procéder à cet aménagement-là. Et ce qui est très impressionnant à l'époque, c'est important d'insister là-dessus, c'est les 5 ans de construction. C'est très rapide quand même pour cette infrastructure-là. Alors, on l'entendait tout à l'heure dans le reportage, il est au départ à 200 km/h, après ça 210 km/h. Donc, ça veut dire qu'on fait en 3h10 minutes à l'époque la distance entre Tokyo et Osaka, 515 km. Et puis, juste pour vous donner une idée du succès de ce Shinkansen, en 40 ans, 4 milliards de voyageurs transportés est très important. Aucun accident survenu. Et de fait, on va parler de la France surtout dans cette émission, on y vient dans un instant, mais ça reste aujourd'hui encore le pays du TGV, c'est encore aujourd'hui le Japon, même s'il est très développé en France, c'est encore le Japon qui est le pays du TGV. Le Japon en tant que pays, mais si on parle de zone régionale sur la carte, regardons en 2013, l'Asie, 13 625 kilomètres de lignes à grande vitesse, l'Europe, 7 378. Ouais. Donc, c'est l'Asie qui est effectivement, vous avez raison, à la tête de peloton et le Japon, évidemment, est en toute tête de ça. Venons-en à la France et au TGV français. Éric Dussault, quand commence donc l'histoire du TGV en France? Alors, en France, 1974, M. Pompidou, qui est alors président de la République française, décide de faire concevoir un train à grande vitesse sur la ligne Paris-Lyon. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est surchargé sur la ligne traditionnelle de chemin de fer pour toutes sortes de raisons. Et puis, on décide d'aménager un TGV sur cette ligne-là. C'est ce qui sera le lancement de l'histoire du TGV. Et donc, c'est en 1974, 419 kilomètres concernés. Au départ, on pensait utiliser ce qu'on appelle des turbines à gaz, mais considérant qu'on utilisait 5000 litres pour un aller-retour entre Paris et Lyon, et qu'en 1973, il y a le choc pétrolier. On a déjà parlé de l'impact que ça a eu sur Concorde. C'est la même chose pour ce qui est du TGV. On va donc adopter l'électricité après ça, et c'est sous l'ère Pompidou que ça va se faire. Ça, c'est 1974. Ce choix de l'électricité va contribuer à ce feu vert politique de Pompidou. Oui. Oui, parce que sinon, si on parlait de turbines à gaz, c'était un gouffre financier encore plus important que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est le 22 septembre 81 que finalement sera inaugurée, Éric Dussault, la mise en service de cette première ligne de TGV français entre Paris et Lyon. Inauguré aujourd'hui, en service à compter de dimanche prochain, le train à grande vitesse n'a pas eu une naissance facile. Le TGV a été conçu en 1967, mais c'est en 1974 seulement que le président Pompidou acceptait de le parrainer. C'était au lendemain de la crise pétrolière de 1973, qui donnait un attrait nouveau à ses moteurs électriques, économiques et aussi légers. Mais le TGV, ce n'est pas qu'un train, c'est aussi une nouvelle voie, plus droite, aux courbes plus larges. Rien de révolutionnaire, roues métalliques sur rails métalliques, mais un produit raffiné. Au point où sa vitesse de croisière atteint 260 km l'heure, et il prévoit aller à 400. Paris-Lyon, une distance de 450 km, se fait en 2h40. En 2h l'an prochain, quand la voie sera entièrement rénovée. À l'entreprise, je demande de préparer le projet de train à grande vitesse, le TGV Atlantique, qui desservira cette fois l'ouest de la France et mettra Rennes et Nantes à 2h de Paris et Bordeaux à 3h, dans un premier temps. Et je souhaite que soient reprises les études préliminaires pour la liaison à grande vitesse vers le nord de la France et la Belgique. Puis, dans l'avenir, nous ne rêvons pas vers l'Angleterre si le projet franco-britannique de tunnel sous la Manche est d'adopter ce que je souhaite. Le président François Mitterrand, le jour de l'inauguration du TGV, le 22 septembre 1981. Et juste avant, vous entendiez un extrait du reportage de Madeleine Poulain ce même jour. On l'entend bien dans cet extrait. Je reviens à M. Mitterrand, Éric Dussault. Ce projet, politiquement, le TGV, dès le jour de son inauguration, c'est plein de potentiel politique. Il y a plein de promesses qui peuvent émerger du TGV. On voit rêver. On entend rêver, François Mitterrand. Tout à fait. Trois éléments avec le TGV. La vitesse, toujours plus de vitesse. Le rôle des médias, qui sont toujours là lors des grands moments de l'histoire. C'est le cas encore cette fois-ci. Et troisièmement, il y a toujours un président français qui est là pour contribuer à montrer l'image de la France d'un point de vue technique, mais aussi politique. Ça veut montrer une image dynamique de ce pays-là. Et dans ce cas-ci, ce qui est particulièrement intéressant, me semble-t-il, c'est qu'on en est arrivé à avoir 13 allers-retours par jour, ce qui est quand même intéressant pour l'époque. Sur la ligne Paris-Lyon. Sur la ligne Paris-Lyon. Ensuite de ça, on a surmonté des obstacles incroyables. Il a fallu consulter 172 communes, 6000 propriétés concernées. Bref, ça a été tout un casse-tête. Ça a coûté 2,8 milliards de francs dans les francs de 1981. Et on a montrer au monde qu'on était capable, malgré ces obstacles, malgré les défis, de réussir. Il y a 13 départs par jour, ça veut dire que ça nous montre que cette première ligne sera très vite, immédiatement, en fait, un grand succès. Oui, tout à fait. À tel point, d'ailleurs, qu'on parle vraiment de réussite commerciale qui va amener le développement du TGV un peu partout sur le territoire. Pas partout, ouais. Parce qu'on va reparler, il y a des gens qui sont complètement isolé par rapport aux lignes TGV, mais ça va faire en sorte qu'après ça, on sent qu'il y a une passion publique pour ça, qui est liée à la ponctualité, la vitesse et la ponctualité, et c'est l'origine du développement de cette belle toile d'araignée qu'on retrouve sur le territoire français. Et puis l'extrait de M. Mitterrand est assez fascinant parce qu'au fond, il est déjà, lui, dans des promesses qui seront des promesses électorales purement et simplement et qui vont, sur du très long, du moyen terme, en fait, mais devenir réalité. Ces lignes dont il rêve, dont il parle, elles verront le jour au fil du temps. On revient à la vitesse parce que c'est assez fascinant, cette course à la vitesse qui fait partie de l'ADN et de l'histoire même du TGV. C'est donc le 3 avril 2007 que le TGV français fracasse ce record, atteint 574,8 km/h. À l'attention de tous, après contrôle et validation, la valeur officielle de la vitesse atteinte dans notre marche est de 574,8 km/h. Je répète, 574,8 km/h. Ce sont tous les professionnels auxquels je pense. Je pense à ceux d'aujourd'hui, je pense à ceux d'hier, ceux qui avaient accompagné le record précédent. C'est une fierté formidable. Le long de la voie et sur les ponts, tous ces gens qui applaudissaient, ils rendent hommage à tous les cheminots. Et c'est une forme de fierté française. C'est ça que je trouve émouvant. Anne-Marie Hydrac, la présidente de la SNCF, la Société nationale des chemins de fer, en 2007, à l'occasion de ce record, de ce nouveau record de vitesse établi par le TGV français. Anne-Marie Hydrac qui parle de la fierté des Français dans cet extrait. Éric Dussault, que représente, pourquoi les Français sont-ils si fiers de ce TGV? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Puis on revient à la vitesse, mais par rapport à cette idée constante de se dépasser dans la vitesse, ça correspond à quoi? Alors, c'est l'excellence industrielle française qui est à l'honneur dans ce cas-là. La France, référence mondiale en grande vitesse ferroviaire. Mais il y a une chose qu'elle ne dit pas, cette dame, c'est que tout ça, c'est une énorme pub de 30 millions d'euros qui l'événement vise l'événement, entourant, c'est-à-dire toute la préparation de ce record de vitesse-là, ouais. Là, du début à la fin, qu'on peut d'ailleurs voir en ligne là, sur YouTube. Je vous invite à regarder cette vidéo-là. C'est 30 millions d'euros pour démontrer au monde entier le génie français, mais surtout développer des marchés. Ouais. Ça coûte tellement cher qu'on souhaite exporter la technologie française. Alors, en obtenant le record de vitesse en 2007, c'est une façon de dire au reste du monde, si vous avez un TGV à concevoir, à aménager, utilisez la technologie française. Et c'est une technologie parce qu'il y a aussi une notion de sécurité. C'est une technologie fiable. On peut rouler à presque 600 km à l'heure sans se casser la gueule, passez-moi l'expression. Oui, dans le cas de cet exemple-là, oui. Mais il y a quand même des histoires un peu tristes en France d'accidents qui sont survenus, notamment en 2015. Il y a des tests qui sont faits en Alsace sur une ligne TGV et il y a un accident et puis il y a une dizaine de morts. Ça ne concerne pas le grand public. À bord, ce sont que des techniciens et des membres de leur famille. C'est quand même grave, là. On parle d'humains ici, mais ce ne sont pas des membres du public en général. Mais il y a quand même eu des morts dans l'histoire du TGV, ce que le Japon n'a pas. Donc, oui, c'est sécuritaire, mais malheureusement, des fois, il peut y avoir des petites anicroches. Mm-hmm. Mais globalement parlant, on peut dire que c'est une histoire assez positive, que celle du TGV en matière d'accident, c'est quand même l'exception, là. Un mot sur l'Eurostar, parce que évidemment on n'aura pas le temps de parler de toutes les lignes, de la façon dont ce réseau TGV français va se développer, TGV français et européen, mais l'Eurostar quand même, on en parle parce que d'abord, ça constitue un temps fort du développement du TGV, et puis aussi, surtout, peut-être, Éric Dussault, pour un historien comme vous, parce que ça permet la réalisation d'un très, très vieux rêve, l'Eurostar, très vieux rêve franco-britannique. Tout à fait. Alors, l'idée de départ, c'est 1875. Il paraît que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à rêver d'un lien ferroviaire entre la France et l'Angleterre. 1931, ça revient dans les discussions, mais il faut attendre 1986 pour la concrétisation du projet et 1994 pour l'inauguration officielle. Encore là, un lien avec Concorde. Concorde, franco-britannique. Ouais. Eh bien là, en 1994, c'est encore un lien entre la France et l'Angleterre, cette fois-là un tunnel de 50 km. Si vous me permettez, Jacques, petite précision. Alors, ça prend 2h15 pour franchir la distance entre Paris et Londres, 300 km/h en France, 160 km/h pendant 20 minutes dans le tunnel en tant que tel, mm-hmm. et à la sortie, 200 km/h en Angleterre. Donc, la vitesse n'est pas toujours la même, elle varie. Mais dans le tunnel, c'est quand même 160 km/h pendant 20 minutes. Mm-hmm. C'est une expérience assez particulière. Je ne l'ai pas vécu moi-même, mais on peut imaginer ce que ça représente. Méga succès aussi. Entre 1994 et 2009, 100 millions de voyageurs. C'est à peu près 10 millions de voyageurs par année. Clientèle à la fois touristique et d'affaires qui peut franchir la Manche. Pour quand même 180 euros minimum. Hein? Oui. C'est bon, c'est quand même un luxe en quelque sorte, mais ça fonctionne bien. Et sur le plan de l'efficacité, on revient au début de cette idée de TGV, en tout cas pour la France, mais pour l'Asie aussi, concurrencer l'avion sur les distances moyennes. Oui. Sur Londres-Paris, si on compte le temps de se rendre à l'aéroport et tout le tralala, le TGV est une option sur le plan du temps qui est vraiment intéressante et compétitive. Terminons cette émission sur une note plus sociologique, Éric Dussault. L'impact du TGV va être énorme en France sur le plan du développement économique, sur le plan de l'aménagement du territoire français. En quoi le TGV va-t-il transformer le visage de la France? Et de quelle manière, Éric, au fond, le TGV change la vie des Français? Mm-hmm. Premièrement, ça structure le territoire autour des grandes métropoles régionales françaises. Jamais oublier, le TGV, c'est un mode de transport urbain. Ça veut dire que ça relie de grandes agglomérations entre elles. Oui. Donc, ça veut dire que la campagne ne fait pas partie de ça. Elle est isolée. Ça veut donc dire que c'est discriminatoire. Il y a des localités qui se battent non pas pour avoir un aéroport, mais pour avoir une gare de TGV pour être desservie. Donc, il y a des chanceux et il y a des villes qu'on considère être comme étant handicapées parce qu'elles ne l'ont pas. C'est vous dire l'importance que ça a. L'avantage, si on a un TGV dans sa localité, ben c'est par exemple qu'on peut travailler à Paris, ce qui est le cas de beaucoup de gens, travailler à Paris, mais à chaque jour, revenir vivre en province, donc dans sa région. À une heure, une 45 heure, minutes, une heure et demie. Deux heures. Puis même à Lyon, par exemple, qui prend plus de deux heures, un petit peu plus de deux heures, ça peut se faire tout à fait l'aller-retour dans la même journée. On les appelle les navetteurs. Ensuite, il y a aussi les birésidents. Donc, ce sont des gens qui travaillent quelques jours à Paris par semaine et qui habitent eux aussi en province et qui vont utiliser le TGV sur une base régulière. Donc, ça rapproche les amoureux, ça rapproche les employés de leur employeur. Et concrètement parlant, depuis que la ligne a été créée dans les années 2000 en direction de l'Est, Strasbourg, eh bien, le marché de Noël, qui est un incontournable en décembre, un tiers de plus de voyageurs pendant cette période de Noël grâce à l'aménagement du TGV. Donc, ça permet aux Français de visiter d'autres régions auxquelles ils n'auraient pas eu accès aussi facilement où il y aurait eu une espèce de blocage psychologique. Donc il y a plusieurs impacts. Facteur de développement pour les métropoles régionales qui profitent du TGV avec le revers qui fait qu'il y a des déserts, en partie géographiques d'ailleurs, le Massif central c'est quand même un obstacle, mais il y a des endroits qui sont pas, où il n'y a pas de TGV et ça fait que ces régions vraiment sont durement éprouvées par l'absence de TGV. Terminons sur l'avenir du TGV. On a beaucoup parlé de la France, on a parlé du Japon. C'est vrai que c'est en Asie et en Europe où se trouve pour l'instant le TGV. De quoi sera fait l'avenir du TGV? Puis, petite question intéressée pour nous qui sommes au Canada, est-ce qu'un TGV ici, c'est possible? Est-ce qu'un TGV à l'extérieur de l'Europe et de l'Asie, c'est possible et probable? Le TGV et le Canada, je compare souvent ça au conflit israélo-palestinien. On en entend toujours parler, puis on ne trouve pas de solution. Pour ce qui est de l'avenir ailleurs dans le monde, au moment où on se parle, il n'y a pas de TGV en dehors de l'Asie et de l'Europe. Mais très prochainement, il devrait y en avoir au Maroc, en Arabie saoudite, au Brésil, ainsi qu'en Russie, en Pologne, en Suède, en Norvège, en Australie, et toujours en Asie, et même dans certains pays qui peuvent étonner, Kazakhstan, Ouzbékistan, il y a des projets aussi de TGV là-bas. Tout ça, si ça se concrétise, augmentera de 50 % le nombre de voyageurs en TGV dans le monde en quelques années seulement. Donc, c'est quand même important. Quels sont les défis à l'avenir? Le confort, l'économie d'énergie et le temps de voyage, puisque ces chers usagers n'en ont jamais assez. Ils veulent toujours voyager plus rapidement. Donc, concrètement, atteindre le 360 km/h sans être victime du bruit. Parce que c'est ça le problème. Éric Dussault, historien, ami de l'émission. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.